Mensa Sonora, celebrating 6 years of Radio Picnic. Live from QO2 in Brussels, broadcasted on Radio Campus and Laptop Radio. Allô, nous sommes en direct depuis le cours 2 à Bruxelles, live sur Radio Campus. On célèbre les 6 ans de Radio Picnic, 6 ans d'expérimentation et de création radio qui ont eu lieu à Berlin et à Bruxelles. Pour cette occasion, les éditions Ripopée sont montées à Bruxelles avec le livre catalogue. Livre de cuisine qu'ils ont publié avec la participation de tous les artistes de Radio Picnic qu'ils ont donné en recette de cuisine et en musique, en son de leur création. Vous pouvez trouver le livre au bar. Et pour cette occasion, ce soir, donc on est en direct jusqu'à minuit sur Radio Campus. On a certains des artistes de Radio Picnic qui sont là et qui vont faire un live. On commence avec Cabinet de Logique de Boudry, un petit village dans la campagne suisse. Et donc, Cabinet de Logique, live depuis le cours 2. Un peu de où vous allez. Vous êtes jeune, hein? vais regarder. Maintenant, je vais regarder le projet, en fin de compte. Parce que peut-être qu'il ne faut pas se prendre la tête. Alors, voyons voir. C'est votre métier ou c'est pas votre métier? Bon. Au revoir. va-t-elle perdurer? Alors, il va y avoir un bouleversement, ben, voilà, voilà. Il va y avoir un bouleversement, il va y avoir quelque chose qui... On va passer carrément à autre chose, hein. Mais carrément, hein. Alors, je développe. Les bonnes décisions. Hein? Voilà. Ça. Le bouleversement, il est annoncé aussi. Il n'est pas pour maintenant. Pas tout à fait pour maintenant. Il y a encore un peu de temps. Hein? Ma réponse est arrivée positive. L'humanité, oui, elle perdure, elle continue. Mais on va changer notre manière de fonctionner, de vivre, de voir les choses, de tout ça. Mais je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Prenez une ou deux poules. C'est des poubelles sur pattes. Ce sont des poubelles sur pattes. Je vous en parle à connaissance de cause puisque j'en ai. Ça mange tout. Mais ben écoutez, une ou deux, et en plus, elles vous récompenseront parce qu'elles vous donneront des œufs. Hein? Donc là, voilà, vous avez tout bénef. Alors, il faut savoir qu'il y a des cycles. Hein. Il y aura des périodes où les poules ne pondront pas parce que les œufs sont leurs ovules. Quelquefois, elles peuvent être 15 jours, 3 semaines sans donner un seul œuf. Et après, elles reprennent. Déjà, voyez, déjà, voilà. On veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on nous entend. Je comprends, ça a un coût, bien sûr, bien sûr. Thank you. C'était Cabinet de Logique, ici en direct du cours 2, live sur Radio Campus, pour les 6 ans d'anniversaire de Radio Picnic, de création radio. À cette occasion, on a publié ce livre que vous pouvez trouver au bar. Et on va continuer. And almond milk. And apples. And anise. And egg arega. And ale. And amaranth. And artichoke. Pas avec ça. Mensa Sonora. Celebrating 6 years of Radio Picnic. Live from Cool 2 in Brussels. Broadcasted on Radio Campus and Laptop Radio. On va continuer en écoutant des pièces que vous pouvez trouver dans le livre en attendant le prochain live de LG, Christophe Piet et Catherine. Allô? Check. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est le moment de Catherine Orcher, Laurent Gérard et Christophe Piet, live depuis le cours 2. C'est le moment. Un plat curieux composé des poumons. Cœur, rognon, oreille et pied de porc. Pour les estomacs robustes. Les viandes étant désossées, coupez-les en gros cubes, et mettez-les dans une casserole contenant une grosse cuillère à soupe de saindoux et faites bien rissoler. Ajoutez 2 gros oignons et 2 gousses d'ail hachées. Faites colorer, versez par-dessus un verre de vinaigre et mouillez à mi-hauteur avec de l'eau. Assaisonnez avec sel, poivre, muscade, une petite poignée de cassonade et laissez cuire 2 heures. Ajoutez 1 kilo de pruneaux préalablement trempés et cuits 20 minutes à l'eau sucrée. Laissez encore 1 heure sur le feu et servez ce ragoût. La cheese. Un plat curieux composé des poumons, cœur, rognon, oreille et pied de porc pour les estomacs robustes. Dépouillez et videz un jeune lapin domestique. Négligez le sang et découpez en morceaux comme pour un civet. Dans une casserole plate, mettez 100 g de beurre et 12 petits oignons. Chauffez le beurre, noisettes. Ajoutez le lapin. Salez et poivrez au poivre blanc du moulin. Couvrez et conservez une cuisson lente. Saupoudrez d'une cuillère et demie à soupe de beurre, de farine, du beurre, et versez dans la casserole une demi-bouteille de vin blanc sec, un verre de cognac, un verre de beurre et un d'eau froide. Du beurre. Ajoutez un modeste bouquet garni, un bouquet de une beurre, forte pincée de cassonade et du beurre. Assaisonnez, faites bouillir et laissez cuire à couvert. Couvrir le beurre. Entre-temps, dénoyautez une livre de cerises et du beurre sur 5 minutes avant la fin de la cuisson. Ajoutez-les, recouvrez la casserole et laissez lentement mijoter. Mijoter le beurre. Dressez le lapin recouvert de sa sauce dans un plat creux très chaud. Saupoudrez le tout de persil haché et garnissez le pourtour de croûtons rissolés au beurre et coupés en forme de cœur. Envoyez à table et bien nettoyez le beurre. Conservez à part dans une casserole de sang auquel on ajoutera du vinaigre. Prendre du lait, le mettre à bouillir avec des lardons, du safran et quelques œufs durs. Laissez cailler le lait ainsi préparé, bien égoutté. Si tu veux te préserver de la maladie, mange de l'ortie femelle au moment où le soleil est en bélier. Procurez-vous une grosse anguille vivante. Mettez-la dans de l'eau courante durant quelques jours, ce qui la fait dégorger de la vase, éventuellement. Si tu veux te préserver de la maladie, après l'avoir écorché, mange de l'ortie. Enlevez le sang femelle, coagulé le long de l'arête centrale. Au moment où le soleil, coupez les barbes le long du bélier. Corps et coupez l'anguille en tronçons égaux. Plongez-les durant 2 minutes dans de l'eau bouillante salée. Ce qui est bon dans l'ours et égouttez. Ce sont ses pattes, surtout rôties sur un feu de bois. Si tu veux te préserver de la maladie, mange de l'ortie femelle au moment où le soleil est en bélier. Ramenez en boule, couvrez d'un linge et laissez lever au double de son volume. Si ce que tu veux vraiment, dans une pièce chaude, c'est te préserver de la maladie, retravaillez la pâte, alors mange bien l'ortie femelle en la repliant plusieurs fois, mais mange-la bien au moment sur où le la soleil table, est en bélier. Repliant plusieurs fois sur la table et aplatissez-la à un demi-centimètre d'épaisseur. Ce qui est bon dans l'ours, ce sont ses pattes. En montant les bords avec les doigts, surtout rôti sur un feu de bois, pour en faire un petit bourrelet. Sa chair est très fine. Mélangez des groseilles vertes bien nettoyées avec un petit bourrelet, avec du sucre et un petit mélangez de farine et de cannelle dans les proportions suivantes. La farce était ainsi préparée. 200 g de sucre, 20 de farine, un loir de cette 10 mixture, de cannelle. On le recousait. Emplissez la tarte et avec on le faisait les fruits cuire au four, et faites cuire au four chaud. À feu doux. Cuisez quelques belles têtes de champignons frais dans le jus d'un demi-citron. 3 cuillères à soupe d'eau, à feu doux. 2 noisettes de beurre, à feu doux. Assaisonnez l'intérieur d'une poularde après avoir enlevé l'os de poitrine. Mettez à cuire au four chaud pendant une demi-heure environ et au sortir du four, de viande, passez sur la tarte un pinceau trempé dans la confiture d'abricot avec de la viande, délayez avec un peu d'eau pour obtenir une sorte de sirop sur la viande. Cette opération se nomme en termes professionnels abricoter. Il était 3 petits enfants qui s'en allèrent glaner au champ. Il était 3 petits enfants qui s'en allèrent glaner au champ. S'en vinrent un soir chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Oh, oui, entrez. J'ai plein de place dans ma casserole. Entrez, entrez, petits enfants. Entrez. Il y a de la place, pour assurément. Tout le monde. Il n'était pas si tôt entré que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux de beurre, mis au saloir comme pourceau. Voulez-vous un morceau de jambon d'Ardennes? Je n'en veux pas. Un jambon d'Ardennes bien en chair. Voulez-vous un morceau de veau ? Je n'en veux pas. Sur l'air du Tradéridera. Sur l'air du Tradéridera. Voulez-vous un morceau de jambon ? Je n'en veux pas. Il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau ? Je n'en veux pas. Il n'est pas beau. Une casserole en terre. Je me suis perdu dans la forêt d'Ardennes. Ra. Ra. La chair du rat est très bonne. Qu'elle soit préparée grillée ou en civet. Et le rat farci n'est pas mauvais non plus. Mais il faut pour cela des animaux assez gros. Pour mon compte, j'ai un souvenir agréable de rats mangés pendant la guerre. La un chair tas est de blanche, riz tendre, tenta, savoureuse. Le rat. D'ailleurs, le rat, la chair de rat tenté, a ses titres de noblesse. Tata. Elle était très recherchée pendant les sièges. Tentant. Même si l'on ne distingue pas très bien si le désir des hommes de manger du rat l'emportait sur celui des rats de manger un de l'homme. Tas de riz. Il semble tenta que le rat soit à l'origine le de l'entrecôte bordelaise. Le rat. Les tonneliers de la Gironde cuisaient les rats tenté au grill et ils les servaient avec une tata sauce au vin rouge et à l'échalote. Le riz. Tentant un tas de riz. C'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Il était une fois dans la ville de Foix un marchand de foie qui s'est dit ma foi. C'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Il était une fois dans la ville de Foix. C'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Enlever peau et nerfs à 2 kg de foie de porc et coupez-le en morceaux. Coupez également 8 kg de lard frais. 8 kg de lard frais. Mettez le foie dans une passoire et plongez-le dans l'eau en ébullition. Plongez-le dans l'eau en ébullition. Pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. Passez foie et lard à la machine avec la plaque à petits trous. Passez tout à la machine avec la plaque à petits trous. Mettre le hachis dans une terrine. Hacher le hachis. Ajoutez 500 g de farine. Ajoutez 500 g de farine. 100 g de sel. 500 g de farine. 10 g de poivre. 5000 g de farine. 100 g d'oignons. 50 000 g de farine. Qui auront été hachés finement. Hachés finement. Et cuits quelques minutes dans un pot de Saint-Loup. 5 g. 10 g. De noix de muscade. 100 g. 1000 g. 10 000 g. Bien pétrir le tout. Bien pétrir le tout. Bien pétrir le tout. Le tout. Pour être une bonne pâtissière. Tapisser les terrines. Et pour réussir avec son des gâteau fines bandes de lard gras. La la la la. Tapisser la les la terrines. La et y entasser le hachis. La la la. Pour être une bonne pâtissière. Placer une il fine faut bande de lard son gâteau sur le dessus. La et la poser la le couvercle. La la la. Pour être une mettre les terrines dans une plaque contenant de l'eau chaude, faire bouillir et mettre au four. Cuire pendant 1 heure et demie, mettre sous presse légère à la sortie du four. Il faut réussir son gâteau. Pour être une bonne pâtissière, il le faut réussir son gâteau. Bon appétit, Catherine. Bon appétit, Christophe. Laurent. Merci. Bon appétit. Bon appétit, Laurent. Bon appétit, Catherine. Bon appétit, Christophe. Bon appétit, Catherine. Bon appétit, Christophe. Mensa Sonora. Celebrating 6 years of Radio Picnic. Live from Cool 2 in Brussels. Broadcasted on Radio Campus and Laptop Radio. C'était Christophe, Catherine, Laurent. Pour la Mensa Sonora, vous pouvez les retrouver dans le livre publié par les éditions Ripopée de 6 ans d'expérimentation radiophonique de Radio Picnic. Et on va continuer. Thank you. regurgitant systolic murmurs due to ventricular septal defects are usually loudest at the lower left sternal edge. The intensity of the murmur is related to the velocity of flow across the defect, and murmurs of grade 4 intensity may be produced by quite small defects. Here is an example of the characteristic pansystolic murmur of a ventricular septal defect with normal pulmonary artery pressure. The murmur is crescendo, decrescendo, and extends up to A2. The patient is breathing, and the second heart sound is normally split with inspiration and closes with expiration. P2 is slightly increased in intensity due to increased pulmonary blood flow. A sinus arrhythmia is present. Minute ventricular septal defects with left to right shunts of less than 10% may occur. The murmur in this type of defect is atypical in that it is short, does not extend to the second heart sound, and may therefore resemble an ejection systolic murmur. The next recording is of a 13-year-old girl with this atypical murmur. By dye dilution techniques, she was shown to have a left to right shunt of 8%. A sinus arrhythmia is present. The systolic murmur can be heard to end well before the second heart sound, which is normal in intensity and splitting. This murmur must be distinguished from the short, regurgitant murmur present in some cases with large defects but severe pulmonary hypertension. The second heart sound in that type of case is narrowly split with accentuation of P2, and other signs of pulmonary hypertension are present. Regurgitant systolic murmurs due to tricuspid incompetence are also usually loudest at the left sternal border, but have the typical inspiratory increase in intensity shown by all tricuspid murmurs. An example of this will be shown later together with tricuspid diastolic murmurs. Ejection systolic murmurs arise from the aortic or pulmonary valve and are caused by one or more of the following factors. 1. Stenosis of the valve. 2. Abnormality of the valve without stenosis. 3. Increased flow through a normal valve. 4. Dilatation of the vessel distal to the valve. Ejection systolic murmurs are crescendo decrescendo and always end before the component of the second heart sound of the side of the heart from which they arise. Thus, all aortic ejection systolic murmurs end before aortic valve closure, while pulmonary ejection murmurs may extend past aortic closure, but always end before pulmonary valve closure. Ejection systolic murmurs due to scarred valves, increased flow, or dilatation of the vessel are relatively short and accentuate in early systole, whereas those due to stenosis of the valve are longer and accentuate in mid-systole. The character of the second heart sound is of major importance in the assessment of the significance of an ejection murmur. This example, shown previously, of the patient with mild pulmonary stenosis shows a long pulmonary ejection murmur extending up to A2. P2 is delayed 0.06 seconds after A2 and is decreased in intensity. Here is a recording at the pulmonary area of the patient with severe pulmonary stenosis and markedly delayed and very soft pulmonary component of the second heart sound. The harsh ejection murmur extends just past A2. P2 cannot be heard on the recording but was present clinically. The next example appears similar, but the murmur is slightly shorter and ends before A2. The patient is a case of Fallot's tetralogy, and the second heart sound in this case is single and the pulmonary component absent. The intensity and length of the pulmonary ejection murmur in Fallot's tetralogy vary inversely with the severity of the stenosis. In severe cases, the pulmonary ejection murmur is soft and short, as most of the right ventricular output passes through the ventricular septal defect. Thank you. The pulmonary ejection systolic murmur present in atrial septal defect is due to increased blood flow across a normal valve. This recording at the pulmonary area in the 14-year-old boy is taken in expiration. The second heart sound is widely split with accentuation of the pulmonary component. Here are two examples of aortic ejection murmurs. Both are taken in expiration at the aortic area, and only the aortic component of the second heart sound is heard. The first is of a 35-year-old woman with moderate rheumatic aortic stenosis. The murmur is harsh and fairly long. A2 is softer than normal. The second is of a 19-year-old girl with familial hypercholesterolemia and probable atherosclerosis of the aortic valve. There is no stenosis present, and the murmur is short and A2 normal. In order to appreciate the shortness of this murmur, all right. Thank you. Sonora, celebrating 6 years of Radio Picnic. Live from Kuo 2 in Brussels, broadcasted on Radio Campus and Laptop Radio. Lampis pour la Mensa Sonora Et on va continuer bientôt avec l'orchestre arc-en-ciel électronique. Quelques minutes avec la musique du livre Mensa Sonora. On est en direct sur Radio Campus. Everything big and small vibrates in the world, making a sound from something as big as a planet to something as small as a little cell in our body. Everything vibrates at a certain frequency and it produces an energy in the form of sound. It's the sound that you hear when you close your ears. It's a sound that's inside you. It's a sound that you hear when you hold the seashell against your ear. Nature as we see it is a physical manifestation of the sound. The sound is what makes the universe, and it's there even in outer space, even when the radio goes on static. It's constant creation, preservation and destruction. It's not something that happens one after another with breaks. It's something that happens all the time, every time. If you think about big stars being broken down to small particles, it's happening every second as we speak. And the same thing happens on the cellular level. If in our body right now, there are cells being born and cells being preserved and protected, and there are cells dying. It's something that you look at it as a circle. There's no beginning, there's no end. It keeps on happening all the time, every time. Mensa Sonora, celebrating 6 years of Radio Picnic. Live from Kuo2 in Brussels, broadcasted on Radio Campus and Laptop Radio. Arc-en-ciel électronique. Thank you. Thank you.

Sonora, celebrating 6 years of Radio Picnic. Live from KOO2 in Brussels, broadcasted on Radio Campus and Laptop Radio. C'était orchestre arc-en-ciel électronique à cette soirée Mensa Sonora depuis le coup 2. On est en direct sur Radio Campus jusqu'à minuit. On a encore un dernier concert dans 5 minutes. Christophe Kellebar, aka Don Lurio, le cuisinier, le pizzaiolo, qui dans 5 minutes il va nous faire un joli concert. Une sorte de Cold Way New Punk. En attendant, on écoute un petit morceau de Cahiers Records qu'on peut trouver dans le livre de Mensa Sonora. Oh,

texte. Recette. Studio. Alors, du coup, il neige. Il neige du pel. Du coup, il neige du pel. Du coup, il neige. Du coup, il neige du pel. Il pleut, tu verses. Il pleut, tu verses. Du coup, il neige du pel. Il pleut, tu verses. Tu es mince, il gèle, tu déglaces. Tu es mince, il gèle. Il gèle, tu déglaces, ice, ice, tu cuis. Il gèle, tu déglaces, ice, ice, tu cuis. Tu déglaces, ice, ice, tu cuis. Tu cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu étêtes. Cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu étêtes. Tu cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu et tête. Hein? Tu cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu et tête. Tu serres, tu bouffes. Tu serres, tu bouffes, tu serres, tu t'étouffes. Tu serres, tu bouffes, tu bouffes, tu serres. Tu serres, tu bouffes, tu serres, tu t'étouffes. Tu t'étouffes. Tu t'étouffes. Tu serres, tu bouffes, tu serres, tu t'étouffes. Tu serres, tu bouffes, tu serres, tu t'étouffes. Hein? Alors, tu coupes, il neige, tu pèles, il pleut, tu verses. Il gèle, tu déglaces, ice, ice, tu cuis, tu cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu étêtes. Tu serres, tu bouffes, tu serres, tu t'étouffes. Tu serres, tu t'étouffes. Tu serres, tu bouffes, tu serres, tu t'étouffes. Truc dans le genre, hein. Non? Recette studio, tu coupes, il neige, tu pèles. Tu coupes, il neige, tu pèles, il pleut, tu verses. Hein? Tu serres, tu bouffes, tu serres, tu t'étouffes. Tout. Tu serres, tu bouffes, tu serres, tu t'étouffes. Tout. Tu serres, tu bouffes, tu serres, tu t'étouffes. Tout. Tu cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu étêtes. Tu étêtes. Tu étêtes. Tu pèles, ice, ice, tu cuis. Il gèle, tu déglaces. Tu cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu étêtes. Tu étêtes. Tu étêtes. Tu pèles, ice, ice, tu cuis. Il gèle, tu déglaces. Tu cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu étêtes. Tu étêtes. Tu étêtes, tu pèles, ice, ice, tu cuis. Jette les glaces. Tu cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu étêtes. Tu étêtes. Tu étêtes, tu pèles, ice, ice, tu cuis. Jette les glaces. Tu cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, cuis, tu étêtes. Tu étêtes. Tu étêtes, tu pèles, ice, ice, tu cuis. Jette les glaces. Tu étais, tu étais, tu belle ice, ice, tu cuis. Christophe Clébard. Live depuis le cours du...

dernière chanson, c'est un cover. C'est un cover, je sais pas, j'ai aucune idée. I'm gonna go to the hospital. Thank you.